mambo mama mame mame twasa mambo mama mame mbadi mame twasa mambo mama mame mame mame mame mame mame mama mame mame twasa mambo mama Sala ikanda baleki bakulumani simukudya abana bakusika ngeluvumo ah ninasubola munsa ngeluvumo nge kukintu adikwane dikwane oh yani ngunda yani yangunda kuna kukena sitwena ngeluvumo baleki bakulumani simukudya munu muntu yambanzi kutile baleki ngata ay mama musisa amunu fola mbanzi ngata mundila munu fola mbanzi ngata mundila ngeluvumo akakindoki mukifumu kena omu munima kena akakindoki yaluvumu akakindoki ina ni bulufuka yani mama ubye ni ngaka bulufuka akakindoki yani mama mama fala mna ta hebayaye hebayaye tebu kontri mundungu tim tebu kontri mundungu tim kuja kundungu sintendi kuja kundungu sintendi fala kuja kundungu sintendi Don't sangula kwani moloke eh mame mono bangala mame mono buta kugilake moloke don sangula kwani moloke eh mame mono bangala mame mono buta kugilake moloke don sangula kwani moloke eh mame mono bangala mame mono dila kugilake moloke don sangula kwani moloke eh mame mono bangala mame mame Elle vous bondoque, maman. Elle vous bondoque, maman. Elle vous bondoque, maman. Elle vous bondoque, maman. Elle vous bondoque, maman. Elle vous bondoque, maman. Elle vous bondoque, maman. Yeah.